Nathalie Bumba, zéro faute, belle des belles. Élégance. Tchatcho, c'est le grand luxe. Tiboni, me commis, c'est un abouma. Tina, occupe tes pema. Oye, pa élégance, Azalina Kuma. Bolunga, motema. Na koti pe bazama. Na mati pe bangoma. Wait. Did you still like? Suka suku lobini elegance. Na ya tona continue kozela. Suka suku lobini elegance. Na ya tona continue kozela yo. Namata bangomba. Na kota bazamba. Nambangate. Na ya wabutwe kumase mikuse. Nawa mpongi kuma 3 heures du temps. Van l'auto monotonie, élégance. Alphonse Sombo, c'est elle que j'aime. Élégance. Sandy la Colombiana, c'est elle mon choix. Olivier Saya, Nzami opesa baninga ba vocation. Bakuma ku prêche. La bonne parole. Élégance est une langue à ta WhatsApp. Del Pirlo. Sourire na yo yantango yale lo. Sokyobo saniti na ta yampokwe. Suka suko lobini ni élégance. Onea tona continue koza yo. Saint James Rose. Manina na mapesa bango ba vocation. Nana kadre du matin dans mon vangie ki makanga. Nagoma gofie telefone na muna tapele muki. Sagintango monsusi elegance komeli na mon bébé. Bonjour, mon fruit de mer. Je t'aime. Vital Kamere et madame. Élégance. C'est elle que j'aime. Élégance. Élégance beauté. Naba pagano, naba Christo. Souba mouni, baga d'accord kinza me penza ebi moussala. Batua poste, batua DHL. Souba yena ba kouye, souba yena ba koli. Balinga otika na guéri, tete pa yaba surveillant. Balinga ga élégance, fo abima pouba se rince l'œil. Bakoma go seka seka, bakoma kenda bako bina bina. Ebana ki neti ndoto, bolingwanga en élégance. Neti lisa ponge ya Romeo ina Juliette. Bolingo yomboka mobimbe pese longoni. Yabiso ebonga ki neti linzanza na langi. Lelo etika lisi twala bolingo eboti mapapu. Kaya kaya musha. Paina mboli ebela bamba bala. Mpona koze le elegance. Mikolo ele kikutu basanza mpe bamvula. Yozonga katenga waliko mebali ndenzoto. Susi nebile bianga kubanda muyo utopi. Yola tisanga bebo mwana pili ya bolingwe. Lelo moku ye memi bututu okati ya nzoto. Nakoma kubanga na ya kukufa avoye. Kaka mpone tumbu babengi nkumbu bolingwe. Zonga umona ndenge bolingwe zo sala genocide. Joseph Berthier. Natini feba mensaje bazongi maboko pambe. Ngombo netinga minga lule mune tinsoye. Diagnostika boko noizui ngabsense elegance. Zonga anakomi migrant. Nazangi terre d'asile. Nathalie Bumba zéro faute. Bijou guitari Yannick Ndombasi. Zaki osala kimboka elegance. Nalinga ki ochange nationalité. Nalinga ki ochange pe passeport. Nakoma nangai elegance. Nakoma nangai elegance. Et me soumettre à tes lois. Ça va de soi. Freddy Taga. Élégance qui toque, oui. Hervé de Lille. Élégance qui toque avec excédent. Et comme Yusso Pananzela Nzela. Loco la loso na moutou ya porteur. Basi oyo bazana problème ya beauté. Balokota bami pakolang nan zoto. Bako ma belle, belle, belle, belle. Nadège Dubié, jolie de jolie. Élégance Nzambia Salaki Oye. Na leur Oyo na paradis agitation. Pema kelele nyo suesi la kiye. Asala kiyo malembe malembe. Alati loupe netyo yaba diamantaire. Tango basala ka expertise ya diamant. Souci na yeo bima parfaite. Lelo sur terre motonio sois a convaincu. Perfection is a domaine privé en Zambé. Élégance aux approuvés à perfection en Zambé. Moui Gasson Léon. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mon boss Jovette. Baninga boutique en Gaïna Liamouma. Adalia qui simple pomme ya évaï. Mpona paradis ou élégance à la quitter. Arata mangoustan. Arata sucre ou yambila isobe. Arata maracuja. Arata maïa mpondo ya maï maïe. Arata mousselou ou ya dongo dongo. Arata moumoué sangana na bilolo. Via d'amboui bigalianete. Aliaga simple pomme. Mangoustan, Vanine, Vanine, Aliane, Tegoum, Koudou, Bakrevet, Bahoui, Toura, Tachalem, Soumi, Sabi, Mou, Aliane, Mokena, avec Apetit, Aliane, Aliane, R.O. Le Mouené, Ominga. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Toutou, Roba. Yotie, conflit entre Gucci, na Vuitton. Bazoué, la Yoye. Yozala, Yigeri, na Bango. Bazala, bénéfice. A concurrence, Apple. Na Google. Isebola. Élégance. Chibo, Apula. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Élégance, commis sangata bureau. Petit à confiance, oui, à Simbela, Kayosak. Maman, au secours, élégance, ce qui est à l'inga. Azanga, comme l'amour que va ma canne à l'école. Nabanou, n'a de tartini à pain au chocolat. La cartable. Babé, ma zikou. Maman, il fait la longue. Élégance, élégance, miandabou. Moi, la maman, son longe aux lèvres rose fuchsia. Gaïawa, la motema, l'amour est toujours en cours. Ton amour élégance dans mon cœur pour toujours. Ton amour élégance n'aura jamais de dernier jour. Pour ton amour élégance, je ferai toujours demi-tour. Yeah. Willy Carlos, Anne-Emily Poto. Depuis aucun okay, n'a élégance, n'a comme un abel, c'est un jardinier. Comme on a eu à chaque fleur et jardin. Bah rose, bah pétunia, bah orchidée, bah jasmin. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yoti kaka ko silika, je t'aime. Yoti kako li moi, je t'aime. Yoti kaka ko nyuringa, je t'aime. Yoti kako le lisanga, je t'aime. Yoti kako trompinga, je t'aime. Yo tika ko peza mawa, je t'aime. Bella de Yassim. Yo tika ko silika, je t'aime. François Béa. Yo tika ko trompenga, je t'aime. Yo tika ko nyuranga, je t'aime. Gentil Ngobila. Hugues Golondele. Vincent Gomez, Chantal Luemba, Superstar. Angèle Ndoukoussa, Sandra Kazadi. Christelle Mangaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fidel Babala. DJ Franck. Alain Boïcard.